Plus jamais je ne rentrerai en scène. Je ne chanterai jamais plus. Plus jamais ces heures passées dans la loge à souligner l'œil et à dessiner les lèvres avec toute cette scintillance de poudre et de lumière. Plus jamais revêtir le strass, le pailleté du velours noir. Plus jamais cette attente dans les coulisses, le cœur à se rompre. Plus jamais descendre vers vous, venir à vous pour enfin nous retrouver. Écrire aujourd'hui est un moyen de continuer le dialogue. Précis. 27 avril 1997. Il était un piano noir, d'après les mémoires interrompues de Barbara. Adaptation Sophie Lemp. De l'écluse au Châtelet. Pendant l'été 1964, vous quittez l'écluse, après 6 ans de présence presque ininterrompue. En octobre, vous revenez à Bobino, en première partie du spectacle de Georges Brassens. Cette fois, le succès public et critique est au rendez-vous. Les récitals s'enchaînent, votre vie continue à se déployer sur scène, mais dans des salles de plus en plus grandes. Jadis amarré à mon clavier, vous commencez à avoir envie de bouger. Mon corps se met à chanter, des cordes vocales jusqu'aux orteils. J'ai besoin de marcher, besoin d'une liberté de mouvement, non plus seulement assise avec vous, mais debout. On ne sait pas d'où viennent les mots. Quand je chante, ils se mâchent, s'allongent, se distordent, se consument, déboulent de ma gorge à mes lèvres, redescendent dans mon corps, dans le pli de ma taille, dans ma hanche. Ils m'obligent à tendre la jambe, à plier l'épaule, à courber l'échine, à redresser les reins le long desquels ils se faufilent jusqu'à redescendre jusqu'aux extrémités, où ils irradient parfois comme une douleur ou un plaisir intense. Ce corps qui commence à bouger, vous continuez à l'habiller de noir. Mais votre costume de scène, comme votre spectacle, évolue. À mes débuts, je chante vêtue d'une jupe noire et d'un pull au vert. Le noir est une couleur fantastique, qui à la fois estompe les formes et met en valeur le corps. Je pensais d'abord que ce n'était pas important qu'on voit mon corps, et puis j'ai appris à m'en servir. J'ai fait avec ma laideur en scène. Au départ, je ne supportais pas ce physique que je lisais dérangeant dans le regard des autres. J'ai lentement appris à l'accepter. J'ai commencé à sculpter, à modeler cette matière vivante qui m'avait été donnée. Ai-je ainsi façonné la femme que je voulais être ? Ou bien cette métamorphose a-t-elle été due à la scène elle-même ? Un peu plus tard, une petite concierge couturière, habile sur sa vieille singère, confectionne à votre demande une veste avec un col assez haut, dégageant le cou, dans un velours noir côtelé appartenant à son mari. Ce premier costume décidera de tous les autres. Après, beaucoup plus tard, vous rencontrerez Cardin. Il m'a fait une jupe magnifique, très longue. Mais à l'époque, je ne bougeais pas encore beaucoup. Quand j'ai eu besoin de liberté, cette jupe entravée constituait une gêne. J'ai donc adopté le pantalon. J'ai émancipé mes jambes qui jusque-là me portaient de façon zigzagante. Et tout à coup, les mots se sont mis à circuler par ma bouche, par mes veines, par mes muscles. Et tout mon corps a pu chanter de la racine des cheveux jusqu'au bout des doigts. Tout s'est installé comme ça. Et c'est devenu mon univers. Dans cet univers, il y a aussi vos rituels, ceux sans lesquels vous ne pourriez sans doute pas entrer en scène. Il est par exemple pour vous inenvisageable d'arriver à la dernière minute. Vous êtes toujours très en avance. Parfois, on vous aperçoit même rôder dans les coulisses dès le matin. L'état de mes cordes vocales, accordées ou désaccordées selon mon état physique ou psychique, réclame les plus grands soins, la plus grande vigilance. Quelqu'un qui entre en scène avec de la peur ou du chagrin peut momentanément détimbrer sa voix. Une des raisons qui, tout au long de ma vie, m'ont fait arriver très tôt dans les théâtres où je me produisais est que je tenais à me préserver de toutes les émotions venues de l'extérieur. Avant d'entrer en scène, vous aviez peur. Plus on avance, plus il vous a été donné et plus on a peur. C'est comme un rendez-vous d'amour. Et si tout à coup on était seul à avoir du désir? J'ai toujours chanté comme si c'était la première et la dernière fois. J'ai appris à essayer de vaincre ma peur en m'obligeant à me déplacer très lentement au moment où je m'approchais de vous, mon piano. J'ai appris à canaliser mon élan vital. Et durant les dernières années où j'ai chanté, je poussais, avant d'entrer en scène, un violent cri guttural qui libérait toute mon énergie. Ce qui souvent a pu apparaître à certains comme une sophistication a été pour moi un apprentissage de chaque soir, afin de donner chaque fois davantage, tout en allant vers plus de dépouillement. Je n'ai jamais répété aucun geste. Je ne me suis jamais exercée devant une glace. Je n'ai jamais travaillé avec un metteur en scène. Je n'ai obéi qu'à mes propres lois, apprenant sur le tas grâce à ce flux vivant que m'a toujours renvoyé le public. Un public qui a été pour moi un accoucheur. C'est pour ce public qu'en 1965, vous écrivez ma plus belle histoire d'amour. C'est la première fois que je me produis en vedette dans une grande salle, à Bobino. Du plus loin que me revienne, le public est venu. J'en suis très étonnée. Les choses se déclenchent en un soir. C'est ce jour-là que je commence à écrire cette chanson. Les premières peines, l'ange avait 15 ans à peine, cœur tout blanc et griffes aux genoux. Que ce fut, j'étais précoce, de tendres amours de gosse, où les morsures d'un amour fou. Du plus loin qu'ils m'en souviennent, si depuis j'ai dit je t'aime. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. C'est vrai, je ne fus pas sage et j'ai tourné bien des pages sans les lire blanches et puis rien dessus. C'est vrai, je ne fus pas sage et mes guerriers de passage à peine vus déjà disparus. Mais à travers leur visage, c'était déjà votre image, c'était vous déjà. Et le cœur nu, je refaisais mes bagages et poursuivais mon mirage. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Sur la longue route qui menait vers vous, sur la longue route, j'allais le cœur fou. Le vent de décembre me gelait au cou. Qu'importait décembre si c'était pour vous? Elle fut longue la route, et je l'ai faite la route, celle-là qui menait jusqu'à vous. Et je ne suis pas parjure si ce soir je vous jure que pour vous je l'ai faite à genoux. Il en eût fallu bien d'autres que quelques mauvais apôtres, que l'hiver ou la neige à mon cou, pour que je perde patience. J'ai calmé ma violence. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Mais tant d'hiver et d'automne, de nuit, de jour et personne, vous n'étiez jamais au rendez-vous. Et de vous perdre en courage, soudain me prenait la rage. Mon Dieu, que j'avais besoin de vous. Que le diable vous emporte, d'autres m'ont ouvert leurs portes. Heureuse, je m'en allais loin de vous. Oui, je vous fus infidèle, mais vous revenez quand même. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. J'ai pleuré mes larmes, mais qu'il me fût doux. Oh, qu'il me fût doux ce premier sourire de vous. Et pour une larme qui venait de vous, j'ai pleuré d'amour. Souvenez-vous, ce fut un soir en septembre, vous étiez venu m'attendre, ici même, vous en souvenez-vous, à nous regarder sourire, à nous aimer sans rien dire, c'est là que j'ai compris tout à coup, j'avais fini mon voyage et j'ai posé mes bagages, vous étiez venu au rendez-vous. Je vous remercie. histoire d'amour. C'est boum. Un jour à Bobino, alors que votre succès est déjà reconnu, Tony Renault vient vous trouver. Il s'est occupé de Piaf, de Fernand Renault, de beaucoup d'autres. Le soir même, vous en faites votre tourneur. Enfin, la France entière va découvrir votre talent. Vous partez en tournée. Je n'ai pas de voiture, ni même assez d'argent pour en acheter une. J'appelle Louis Hazan, directeur de production chez Philips, qui me demande d'aller choisir la voiture de mes rêves et de trouver un chauffeur. C'est Serge Reggiani qui me trouve le chauffeur, que j'appelle Peter. Je sais d'ailleurs plus pourquoi. N'y connaissant rien, c'est avec Peter que je choisis le véhicule. Je tombe en arrêt devant une Mercedes gris acier qui est d'un confort que sur l'instant je ne soupçonne même pas. Et c'est ainsi que je me retrouve sur les routes. J'aime les tournées de lieu en lieu. J'aime rouler la nuit, traverser les villes, me laisser aller à rêvasser sur la vie des habitants assoupis, à imaginer leur bonheur, leur malheur, leur quotidien. J'ai l'impression de les veiller, l'espace de ma traversée. Au début, vous ne m'emportez pas avec vous et connaissez de nombreux déboires. Rares sont les salles où le piano ressemble parfaitement à celui que vous aviez demandé. Après avoir joué sur des claviers édentés, après des télégrammes d'insultes expédiés en urgence au tourneur du moment, après des crises de colère où je ressemble à un tyran, mais où je ne suis qu'exigeante, après en avoir un jour discuté avec Brel, révolté lui aussi par les mauvais pianos qu'on lui propose et qui me dit avoir résolu le problème en pissant dedans pour en obtenir un autre, après des heures de combat, d'explications inutiles à des directeurs sourds et qui de surcroît s'en moquent, je décide de vous emporter partout. Vous, mon piano. Quand je serai morte, enterrez-moi dans un piano noir comme un corbeau. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Quand je serai morte, écrivez dessus comme il faut. Elle faisait bien son numéro. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Quand je serai morte, veuillez ce flanc me mettre à l'eau sur l'eau d'un fleuve ou d'un ruisseau. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Serai morte s'il vogue que mon piano viendront supposer les oiseaux. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Viendront supposer les oiseaux. Viendront supposer les oiseaux. Quand je serai. Quand je serai morte. C'est ainsi que commence l'escalade et que la caravane prend progressivement du volume. Au départ, la Mercedes contient la sono. Petit à petit s'installe la lumière, les musiciens, l'équipe, puis les équipes, et l'on passe d'un simple coffre de voiture à deux semi-remorques. Pendant longtemps, vous aimiez chanter avec moi seul. Mais petit à petit, vous apprenez à travailler avec les autres. J'aime le travail en équipe. Cette famille réinventée. La vie partagée depuis l'heure d'arrivée des camions jusqu'à la fin de la soirée. J'aime les instants de bonne ou de mauvaise humeur collective. Les énervements, les colères, les apartés. Les « j'ai deux mots à te dire », les rires, les réconciliations. Les attentions délicates au sein de cette troupe de nomades aimantés par le même objectif. Réussir la fête d'un soir et la partager avec le public. Mmh. Oh mes théâtres, oh mes silences, mes paradis et mes enfers, mes ténèbres et ma transparence, oh mes étés, oh mes hivers, oh mes velours, oh mes amours, oh mes vaisseaux, oh mes oiseaux, vous avez tous le ciel immense, d'un même et multiple pays. Dans le programme de votre récital au Châtelet, à l'automne 1993, vous écrivez « Hommes et femmes de mon équipe, tant que nous ferons la route hommes ensemble, et femmes de mon équipe, à partager la pluie, le vent, la tant canicule, que nous ferons la route ensemble, les galères, les espaces à partager magiques, la pluie, le vent, cirques, la canicule, les théâtres, les galères, les espaces magiques, les cirques, les théâtres, tant que nous resterons des gens du voyage, des passants de la nuit, pour la magie d'un instant recommencer à chaque fois plus loin. » Tant que je veillerai sur vous et que vous veillerez sur moi, tant que je chanterai, je serai près de vous une nomade heureuse. Hommes et femmes de mon équipe, n'oubliez pas que nous ne sommes qu'un instant et que nous nous devons de rendre cet instant-là magique. Sachez que nous faisons ensemble un métier exceptionnel de pourvoyeur de liberté, de lumière et d'amour. Hommes et femmes de mon équipe, je suis fière de nous. Quentin la bleue, Quentin la belle, aux grisailles de Whitechapel. Quentin novembre, presque l'hiver, les arbres se déshabillaient. Mais de prairies en champs de blé, vous avez bousculé le ciel, vous avez repoussé l'hiver. Et réinventer les étés et les rivières en coteaux, de marguerite en champ de blé, de mimosa en coquelicot, quand un miracle s'est levé, quand un folie, quand un vaisseau, au bout de vos cœurs étoilés, vous avez planté des soleils plus flamboyants que le soleil, quand un espoir. Quentin bonheur, oh, qu'est-ce que vous m'avez fait là? Quentin qui rit, Quentin j'en pleure, Quentin on recommence. Quentin merveille, Quentin miracle, oh, mille pantins étoilés, c'est l'amour dans la lumière, les pleurs dans leurs doigts cachés. Quentin on recommencera demain. Quand un soleil, quand un merveille, quand un, quand un, quand un, quand un. J'aime ce que le public ne voit malheureusement jamais. L'arrivée des camions, le déchargement, le montage avant le spectacle. C'est un véritable travail de précision. Les hommes se déplacent avec une rapidité et une souplesse d'acrobate. C'est magnifique. Quand je pénètre à l'intérieur du théâtre, c'est le seuil d'un autre univers que je franchis. Quand j'arrive sur le plateau, et que j'entends, que je vois les techniciens travailler, le spectacle a déjà commencé. Et je demande toujours qu'à partir de cet instant, on ne laisse plus entrer personne. Ce n'est plus l'heure. Je suis intransigeante. C'est peut-être légèrement totalitaire, je n'en sais rien, mais c'est comme ça. Un jour, un de mes amis a marché sur une prise et l'a débranchée. Il voulait voir ce qui se passait derrière les coulisses. On n'a pas à voir ce qui se passe derrière les coulisses. Moi, je ne vais pas dans le bureau de mes amis jouer à la visiteuse inspirée. Sur un plateau, c'est dangereux. Tu peux te faire choir un projo sur le crâne, blesser quelqu'un d'autre. Bref, tu n'as pas à être là. Point à la ligne. Et puis vient l'heure du silence, lorsque les hommes ont fini de monter, de régler les éclairages. Le soir, l'heure de l'attente. Assise dans le rocking des coulisses, je m'efforce d'être belle, vigilante dans mon habit de velours, de clown noir. Un fluide indéfinissable circule dans mon corps, dans tout mon être. Je ressens une énorme tension, une joie et une peur glacées. Repliée sur moi-même, enfermée, je me concentre. J'accumule et retiens l'énergie dont je vais avoir besoin pour le spectacle. J'ai le mal d'amour et j'ai le mal de toi. C'était Il était un piano noir. D'après les mémoires interrompues de Barbara. Cinquième épisode de L'écluse au Châtelet. Avec Sophie Doll, Barbara, Claude Aufort, Le piano noir. Adaptation Sophie Lem. Conseillère littéraire Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage, mixage Claude Niort, Martin Delafosse. Assistante à la réalisation Cécile Lafont. Réalisation Juliette Eman. Il était un piano noir. Mémoires interrompues de Barbara est publié aux éditions Fayard. Ne se rattrape plus.